Nous allons maintenant aborder la notion d'inconscient. Précédemment, nous nous sommes intéressés à la conscience, c'est-à-dire la capacité d'un sujet de percevoir ce qui se passe dans son propre esprit, pour reprendre l'expression de John Locke. Autrement dit, la capacité d'accéder à certains de nos états internes. La conscience éprouvée au présent, nous l'avions vu, est rendue possible par la mémoire. En effet, nous sommes capables de retenir au présent des états de conscience passés, de nous les remémorer et d'y réfléchir. À partir de cette conscience de nos états passés et de notre état présent, nous sommes à même de nous projeter dans l'avenir en anticipant nos actes futurs. Ainsi, la conscience se constitue comme un flux d'états qui se succèdent les uns aux autres dans la durée. Cependant, le fait que nous puissions accéder à certains de nos états internes ne signifie pas pour autant que nous pouvons accéder à la totalité de nos états. Il y a peut-être certaines choses qui nous concernent, certaines choses qui se passent en nous, qui nous échappent. En effet, on peut remarquer d'une part que lorsque des objets apparaissent dans notre champ d'expérience, c'est-à-dire que, par exemple, nous percevons un certain nombre d'objets autour de nous, dans une pièce, eh bien, nous ne pouvons pas appréhender la totalité des informations disponibles. Il y a toujours des choses qui nous échappent. Notre conscience se focalise sur certains aspects des choses et pas d'autres. Donc, on ne peut jamais capter toutes les informations. D'autre part, notre capacité de mémorisation est également limitée. Nous ne pouvons pas retenir toutes les informations perçues au cours du temps, actuellement. Il y a énormément de choses que nous perdons. Pourtant, ce qu'on peut voir, c'est que même si la conscience, n'accède pas à toutes les informations qu'elle a pu recevoir, il peut arriver que certaines informations produisent quand même des effets alors que nous n'avions pas conscience des effets sur notre comportement. On pourrait prendre l'exemple d'une réaction émotionnelle adoptée par un individu, par exemple une réaction de peur, alors même que cette personne ne semblait pas avoir eu conscience de la cause de cette peur. Se dire bah, pourquoi est-ce qu'elle a peur? Est-ce que c'est complètement irrationnel? Est-ce que c'est une réaction qui n'a aucune explication? Bah, peut-être aussi, c'est parce que elle a perçu quelque chose sans même s'en rendre compte, elle a perçu une source de danger et ça lui a provoqué une réaction subite de peur, sans même qu'elle ait eu conscience véritablement de ce qu'en était la cause. Donc ça peut bien signifier que cet individu a perçu quelque chose sans en avoir vraiment eu conscience. C'était qu'un exemple, on verra beaucoup d'autres exemples de phénomènes qui, d'une certaine manière, sont inconscients, mais pourtant se traduisent par des comportements. Donc s'il y a bien un comportement sans qu'il y ait eu une prise de décision, sans qu'il y ait eu une perception consciente de ce qui s'est passé, ben ça veut peut-être dire que en amont de ce comportement, il y a eu un mécanisme, il y a eu une perception, il y a eu un état vécu par la personne, un état qu'elle a vécu, mais dont elle ne s'est pas elle-même rendue compte. Alors, la prise de conscience hein, de l'existence de l'inconscient, bon, elle découle du constat du fait que nous commettons certains actes, parfois sans nous en rendre compte, et en tout cas sans avoir pris la décision. Ça nous arrive de faire quelque chose sans l'avoir voulu. Alors ce constat était déjà fait par René Descartes, hein, qui remarquait, je le cite, il remarquait les mouvements que nous faisons sans que notre volonté y contribue. On peut donner de nombreux exemples, la respiration, bon évidemment la respiration. On peut contrôler un peu sa respiration, mais la plupart du temps, on n'a pas besoin de réfléchir, on n'a pas besoin de prendre une décision pour respirer. Quand on marche, bon, évidemment, dans certaines circonstances, on est obligé de faire attention quand on marche, mais finalement, la marche, très souvent, ça se fait un peu de façon automatique. Puis un autre exemple qui intéressait Descartes, ce sont les mouvements réflexes. Voilà, un mouvement du bras, un mouvement de la jambe, qui est complètement incontrôlé, qui se fait de façon spontanée. Bon, eh bien, Descartes, ces mouvements-là, ça l'interrogeait, ça l'interpellait. Pour lui, de tels actes non conscients, non délibérés, ils ne pouvaient pas procéder de l'esprit lui-même. En effet, l'esprit, pour Descartes, a pour attribut essentiel la pensée qu'il définissait en ces termes dans les méditations métaphysiques. Je le cite, par le nom de pensée, je comprends tout ce qui est réellement en nous, que nous en sommes immédiatement connaissants, ainsi toutes les opérations de la volonté, de l'entendement, de l'imagination et des sens sont des pensées. Donc tous ces actes de la pensée, eh bien, il nous dit, la pensée, il y a nécessairement accès directement. Hein. La pensée accède de façon immédiate et nécessaire à tous ses propres actes. Aucun acte de l'esprit ne peut échapper à la pensée. Du point de vue cartésien, il y a une parfaite adéquation entre acte de l'esprit et état conscient. Donc si ma pensée est en acte, alors je le sais, hein, j'en ai conscience. Donc pour Descartes, les actes effectués par un individu de façon non consciente, ils ne peuvent pas être attribués à l'esprit. Ils doivent nécessairement être attribués à son corps. Donc par exemple, les mouvements réflexes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des mouvements mécaniques du corps qui sont produits par l'agencement du corps, par l'agencement de ses parties internes, c'est-à-dire la constitution du corps, comment est-ce qu'il est formé, et qui peuvent résulter d'effets exercés sur lui par d'autres corps. Voilà, par exemple, on me donne un coup sur le genou, et ben ma jambe va se relever spontanément. Donc ça, c'est un mouvement mécanique. Et donc, pour Descartes, ça s'explique, ce fait qu'il y ait d'un côté des actes de l'esprit qui sont toujours conscients, et des actes du corps qui peuvent être inconscients, ça s'explique par sa position dualiste. On se souvient que Descartes, il défend un dualisme du corps et de l'esprit. C'est-à-dire que pour lui, le corps et l'esprit, la matière et la pensée, ce sont deux substances distinctes, c'est-à-dire deux réalités qui pourraient exister séparément l'une de l'autre, qui ont leurs propres propriétés, elles sont pourvues de propriétés très différentes, même si chez l'homme, le corps et l'esprit interagissent, le corps et l'esprit communiquent, mais pour autant, ce sont deux réalités distinctes, et elles ont notamment voilà, cette propriété du fait que ben, l'esprit, lui, il est parfaitement conscient de tous ses propres actes, tous ses actes sont libres, hein, ce sont des résultats de décision, le corps, eh bien, tantôt, il est contrôlé par l'esprit, donc ça, ce sont nos mouvements volontaires, les mouvements volontaires du corps sont en fait l'effet des décisions de l'esprit, mais il y a aussi un certain nombre de mouvements involontaires et inconscients, et là ce sont des mouvements du corps lui-même uniquement, indépendamment de l'esprit, ce sont des mouvements purement mécaniques, qui sont l'effet de forces exercées sur lui par d'autres corps. Et donc il dit, voilà, chez l'être humain, on a à la fois des actes conscients qui sont le produit de l'esprit, et des actes inconscients qui sont le produit du corps, et en ce sens, Descartes opposait l'être humain à l'animal, et pour lui, les animaux, eux, étant dépourvus d'esprit, hein, dans sa conception, seul l'être humain a un esprit, pour Descartes, les animaux, eux, n'étant que des corps dépourvus d'esprit, eh bien, les animaux n'avaient que des mouvements mécaniques, que des mouvements complètement inconscients. Pour Descartes, la conscience, c'est vraiment un attribut de la pensée, et l'inconscience, c'est à renvoyer du côté du corps.